Ah, et les Antilles, nous sommes au top ce soir. Cantine, tout le monde. Cantine, s'il vous plaît. Cantine, tout le monde. Cantine, tout le monde. Encore. Répétez. Moi qui ai dévigué, moi qui ai dévigué, maman. Moi qui ai dévigué, moi qui ai dévigué, maman. Pour moi danser, pour moi pécho, mais oui, musique c'est l'amour, toutou. Musique c'est pour nous, musique c'est l'amour, toutou. Musique c'est pour nous, musique c'est l'amour. Alors moi dis vous, est-ce que la Guadeloupe ça va? Est-ce que le Martinique ça va? La Guyane, tout va bien? Encore. Les Antilles, vous êtes là. Faites du bruit, faites du bruit. Tout le monde. Allumez à gauche, allumez à droite. Tout le monde. Allumez à gauche. Encore. Allumez à droite. Plus fort. S'il vous plaît. Tout le monde. Répétez. Allô, répétez. Danse, danse.